Chez nous, on roule en béba. La couloir m'a dit à Coco. Ma lembe était Terrano synthétique. Transcoffret Express, Pierre Chamba, Chalet Chamba. Éclaireur, allez-y. Troupe avancée. Pour le pas le job Wendo. Comme à Kipé, Tomeli et Wakate. Caps, Kapangala, le champion. Cercas, Cas, contact. Abakoufé, Malo Yami. Lao. Oui, vous dites que vous êtes à Makino. Aki Mukina Muka, Mukina Mushiki, Osaka Wandemi Wakati. Roboti, Aloube Lumila, Las Cross, Balobi, ton commis na match pour Yo Kanadu, hein. Ça c'est vivant la musique nouvelle et juste. Yeah. Papa Wemba Mukili Mobiba, yeah. Tout le monde va mouver. Yeah. Akaba Shege Bayaya, yeah. Basolo va New Jack na Bruxelles, yeah. Sando va Rome va Kadhafi, yeah. C'est la voix des Natou, yeah. New Jack, New Jack, New Jack, yeah. Je suis le maire à Gamel d'Afrique, yeah, yeah, yeah, Bumbu, yeah, yeah, Papa Wemba. Coliville na Luanda. Roger Ndonga, hey! Claudie Lelo, Alain Lito. Hey! La petite chance est loco pamba. Coco Maria, Nami Michi Vundu. Yamogao, na Chantal Nota. la kingo ebende. Et les commandants soviétiques, poison Gorbatchev. Le colonel Jagger, Benga Bapeti Abachede, Bangonio Sotuna Chamoukwale. Ndinga uzape nzambete uzana nikasi kulutu wabaleki Joseph Profa Ngwabi Mabaya Beata, yebisa bango histoire va changer à terre.